إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dans le dernier ders, on avait pris que la façon de répondre aux gens du faux, ou même ce n'est pas les gens du faux, même ce serait avec des gens du vrai mais qui auraient une erreur sur mas'ala parmi les masa'il, غير ذلك. الطريقة النافعة لرد على ما يخالف الصواب هو بالجواب المجمل ثم الجواب المفصل. C'est le fait de répondre de façon globale, on l'avait expliqué, et générale, c'est-à-dire une réponse générale qui répond à toutes les masa'il dans lesquelles s'est engagé l'opposant. Tu démontres que le fond de ta compréhension s'oppose pas même à la base des textes. Et cela en faisant quoi? Du fait que ces gens-là vont prendre les mutashabih, les versets équivoques, et délaissent les versets murkam, les versets qui sont effectifs et clairs. Donc toi tu le ramènes au verset murkam. Tu dis les versets murkam s'opposent à ce que tu dis là actuellement. Et cette réponse-là répond à plusieurs choses. Deuxième, c'est al-jawab al-mufassal, que tu prends mas'ala par mas'ala. Maintenant, une fois que tu lui as démontré que sa compréhension elle est fausse de façon générale, tu prends chaque point pour lui ôter les chaubouettes de façon totale. Et là, c'est ce que va faire l'auteur. Donc, avant la dernière fois, on a appris al-jawab al-mujmal. Fal-ans natroul fil-jawab al-mufassal. Fakawale rahimallahu ta'ala. Wa ma al-jawab al-mufassal fa inna a'da Allahi lahum i'tiradat kathiratun ala dini al-rusul. يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا خالق ولا يرزق لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. Donc il dit la réponse détaillée que si jamais les ennemis d'Allah, sache que les ennemis d'Allah ont beaucoup de contestations, beaucoup de choses par lesquels ils s'opposent à leur religion, des messagers, et qu'ils obstruent, dont ils obstruent le passage aux gens. Ils empêchent les gens d'accéder à cette religion. Et parmi ces paroles-là, qu'ils disent, Mathalan, nous n'associons rien à Allah. Même nous attestons que personne ne crée, que personne n'octroie la subsistance, que personne n'apporte d'utilité, ou ne nuit si ce n'est Allah seul sans associer. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne possède rien pour lui-même, ni bien ni mal. Alors que dire de Abd al-Qadir ou autre que lui? Donc là, c'est parmi l'une de leurs chevouettes et ces gens-là. Car comme on l'expliquait, eux, leur tawhid pour eux c'est rububiyya. Pour eux, le tawhid c'est rububiyya seulement. Al-Iman, c'est le fait de savoir que Allah c'est le Razak, c'est le Khaliq, ou al-Zalika, comme on a dit au début. Donc, eux, pour eux, si tu dis qu'il y a deux créateurs, là, ils vont dire c'est du shirk. Si pour eux, tu dis qu'une autre que Allah apporte le risque, ils vont dire c'est du shirk. Si pour eux, tu dis qu'autre que Allah contrôle la création, ils vont dire c'est du shirk. Juste dans ce bab-là. Et le Abd al-Qadir cité ici, Cheikh Al-Samin, il dit c'est Abd al-Qadir, Yani ibn Moussa, al-Jilani, ou Jilani. C'est Jilani ou Jilani. C'était parmi les grands ascètes, mais c'était un soufi. Yani, qui était né en 471 et qu'il est mort en 561 à Baghdad, en Irak, et qu'il était Mazhab Hanbali. Donc c'est un homme qui par la suite a été adoré, dont la tombe est devenue un lieu de recueil. Donc lui il dit, pour moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien faire pour moi, comme bien ou comme mal, car il ne peut pour lui-même, et Abd al-Qadir pareil, celui qui va vers qui il se tourne. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله أطلب من الله بهم. Donc lui dit quoi? Cette personne là, l'auteur dit que sa réponse c'est quoi? Sa chaubouette à lui, il dit mais moi je suis quelqu'un qui commet des péchés et que les gens pieux ils ont un haut rang auprès d'Allah ce matin là, donc je désire d'Allah par leur biais, c'est à dire je les prends comme intermédiaire. C'est ça leur chabouhad. Ils disent, moi, je ne suis pas assez bien pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala car je fais trop de péchés. Donc je passe par ces gens-là. pour demander à Allah ce dont j'ai besoin. قال المؤلف فجوابه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بما ذكرت ومكرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة وإقرأ عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضحه أو ووضحه. Donc il dit la réponse qu'on dit à cette personne-là. C'est ce qu'il y a. Tout ce qu'on a appris au début du livre, c'était pour arriver à ce résultat-là maintenant qui va suivre, qu'on a bien appris la différence entre le Rububiyya ou l'Uluhiyya. Quand même, ce qu'il a appris au début, c'est cette introduction, c'est la base du livre sur laquelle on se repose par la suite pour faire comprendre à cette personne-là que ce qu'il fait ne suffit pas pour faire de lui un croyant, c'est-à-dire le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est créateur, et que ce qu'il fait comme acte pour se rapprocher de lui, c'est du shirk. Donc il dit bien, la réponse qu'on a à cette personne-là, c'est que ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, reconnaissaient tout ce que tu disais là actuellement. Et même reconnaissaient que leurs idoles ne créaient rien et n'avaient aucun contrôle sur la création, sur le cours de la création. Ils voulaient justement ce statut et la shafa'a. C'est ça qu'ils attendaient de leur asnam et leur awfan. Donc après le shir te dit, lis sur lui ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son livre et éclairci. Ça c'était toujours dans le matn. Donc ce qu'il veut dire par là, c'est que ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre a cité comme verset relatif au tawhid. Ay tawhid, tawhid al-uluhiyya. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qu'il est dit dans le sens, nous n'avons envoyé avant toi de messager, si ce n'est en lui révélant qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée, si ce n'est moi, alors adorez-moi. Donc là, le verset dit bien adorez-moi, non pas adorer, c'est asnam, et c'est awfan. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut ta'ghut. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. » Et il y a plein de versets qui vont dans ce sens, qui appellent à ce que Allah soit adoré. Donc tous ces versets démontrent bien l'obligation du Tawhid d'unifier Allah dans l'adoration. Chose qu'eux ne font pas. « Wanna la yu'bad ahadun sawah » que personne en dehors de lui ne doit être adoré. Donc si jamais après il est convaincu par cela, Wahaza wal matloub, c'est ça qui est demandé à la base. T'as même? Ou soit alors il va s'obstiner. Si jamais il accepte depuis le début, alhamdulillah, ni'ma. Car les gens qui veulent le khayr, t'as même? Le peu de preuves leur suffisent. Tu le viens avec un dalil ou une chose claire, ça, il est convaincu, ça le suffit. Mais après, elle dit. Wa qala shir al-famin, wen lam yaqtani' fawa mukabir, mu'anid. يصدق عليه قوله تعالى وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا قول الذي انطبق على فرعون. Donc il dit, si par contre après cela n'est pas convaincu et persiste, c'est que c'est quelqu'un d'obstiné, c'est un entêté, et lui, sur lui s'applique la parole d'Allah dans le sens où il dit, et qu'ils l'ont refusé alors qu'au fond d'eux ils savaient très bien. Ils l'ont refusé en toute impunité, en toute injustice. Donc regarde comment fut la rétribution des corrupteurs. Hadha kana liman li Fir'aun. Que Fir'aun savait très bien au fond de lui que les signes venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas voulu. Et bien ces gens-là, c'est pareil, tu leur as dit la chose. Le peu que tu leur as dit leur a suffi. Mais comme ils ne veulent pas, ils s'obstinent. Et je vous le répète, Ayyuha as-sami'un, ces masa'il, là on les prend dans le tawhid, elles sont valables pour toute masa'ala dans laquelle les gens s'opposeraient à la vérité. Toute masa'ala dans laquelle les gens s'opposeraient à la vérité sous leur passion, c'est le même maslak que tu suis, c'est la même voie que tu suis avec eux. Tu leur donnes, tu leur montres que ce qu'ils font s'oppose à la base, et après tu leur réponds shubuhat par shubuhat. Et celui qui a un khayl en lui, qui veut la vérité, qui s'est fait tromper, il va accepter très vite. Et l'autre, il va s'entêter et peut-être ne jamais revenir. Ou peut-être revenir quand tout le monde va revenir pour ne pas être resté tout seul dans l'égarement. Et dire, je me repens à Allah, au fond de lui, c'est pas qu'il se repent, c'est qu'il sent qu'il a vu qu'en fait qu'il était abandonné. Bardahada qu'on est le mu'allifo. Fa'in qu'on est haoulaï l'ayat, nous zilat fiman yarboud l'asnam. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجوابه مما تقدم. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour pouvoir réfuter ce que tu viens de dire comme verset qui appelle le Tawhid, ils vont dire, mais ces versets-là ont été descendus sur des gens qui adorent des idoles. Comment allez-vous mettre des gens pieux comme ces idoles? Comment allez-vous mettre les Anbiya comme ces idoles? Donc c'est quoi la réponse? Al-Jawab bima taqaddam. Tout ce qui est su auparavant. C'est-à-dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mahu, ça s'appelle un wathan. Tamam? La différence entre le wathan et le sanam, le wathan, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. Et sanam, c'est une chose qui est adorée en dehors d'Allah, à qui on a donné l'apparence d'une créature. Donc celui qui adore une chose en dehors d'Allah, cette chose-là, on l'appelle wathan, quelle qu'elle soit. Donc quelle différence y a-t-il entre cela, entre quelqu'un qui adore la Thalen, l'Asnam, et qui adore l'Anbiya? Il n'y a pas de différence, car l'adoration à la collée ne sera passée pour autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un Nabi, que ce soit un Sanam, ou même un Wali. Et que tout cela ne lui servira à rien du tout. Donc il n'y a pas de différence. Et le tout s'appelle shirk. Le tout s'appelle shirk, il y a nawa ibadah, sorifat ghayrillah. C'est une adoration qui est tournée pour autre que Allah. Tamam. Après l'auteur il reprend en disant: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بربوبية كلها لله وأنه ما أرادوا من من قصده إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. Donc après l'auteur est dit que si jamais il le reconnaît que les kuffars tamam ne témoignent que de la Rububiyya, que la Rububiyya tout entière est pour Allah, et que cependant ils l'ont voulu, par ceux qu'ils ont pris comme intercesseurs, que, justement, l'intercession. Qu'ils l'ont voulu, en prenant ces intermédiaires, que l'intercession, la shafa'a. Quand même, ces malaïka, ces asnam, réalisés qu'ils ont pris, ils les ont pris, non pas pour elles-mêmes, les adorer en elles-mêmes, mais pour les prendre comme intercesseurs. Donc lui, il a voulu différencier cette personne-là entre ce qu'il fait lui et ce que ces gens-là font. Il a voulu dire, eux, ils adoraient des asnam, tamam, mais moi, j'ai choisi les anbiya, j'ai choisi mathalan el malaika, les anges, j'ai choisi les gens pieux, ce n'est pas pareil, ce n'est pas comparable. Donc qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu lui cites que les kuffars, parmi eux, certains, dans le Coran, certains, qui invoquaient les asnam. Et parmi eux, certains qui invoquaient les awliya aussi. Ce dont Allah, dans le sens où il dit, ceux-là qui adorent et qui recherchent auprès de leur Seigneur les moyens d'être le plus proche de lui. Oui, également, ils invoquaient qui? Isa ibn Maryam et sa mère. Et Allah, dans le sens où il dit, et le Messie, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Et d'autres messagers sont venus avant lui. Et sa mère était une véridique. Ils mangeaient tous les deux de la nourriture. Regarde comme nous l'expliquons et regarde comme ils se détournent. Dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne possède ni bien ni mal pour vous, et c'est Allah certes qui est l'audient et l'omniscient. Donc ces gens-là faisaient la même chose. Tamam, comme quand les chants faimin. Wa zkurullahu anna ha'ula'il mushrikin minhum man yad'u al-asnam li talab al-shafa'a kama anta kadhalika muwafiq lahum fi al-maqsud. Que parmi ces mushrikin, ça t'a invoqué justement ces asnam pour avoir la shafa'a. Comme toi tu le fais aujourd'hui, c'est le même but. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدِ الْأَوْلِيَا كَمَا أَنْتَ كَذَلِكَ مُوَافِقْ لَهُمْ فِي الْمَقْصُودِ وَالْمَعْبُودِ. Et que parmi eux, certains veulent invoquer les awliya, comme tu le fais toi aujourd'hui, donc tu es en conformité avec leur acte. Dans l'acte, et même dans le ma'boud, la chose que tu adores. Et il dit, وَكَذَلِكَ يَعْبُدُونَ الْأَنْبِيَا. كعبادة النصارى المسيح ابن مريم وكذلك يعبدون الملائكة تمام. Donc, et parmi eux, certains également qui adoraient les Anbiya, comme le faisaient les Nasara avec Isa ibn Maryam. Et également parmi eux, certains qui invoquaient les anges, les Malaïka. Donc là, on lui démontre que ce qu'il fait là, c'est du Talbis. Qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'il fait lui et ce que faisait le Mouchtikoun d'avant. Car lui, il dit qu'il invoque les Anbiya pour la Shafa'a ou il invoque les Awliya. Et on lui dit, eux aussi, c'est la même chose qu'il faisait. Et quand bien même la forme de l'adorer changerait, l'adoration reste la même. قال فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه يعني الشيخ الفهمين يقول فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من وجهين. Donc là on comprend de cette réponse, on comprend son talbis, que c'est mushrikun qui adore les asnam et que lui il adore les awliya et les gens pieux. Cela sous deux angles. الوجه الأول أنه لا صحة لتلبيسه لأن من هؤلاء المشركين من يعبد الأولياء والصالحين. Donc on dit que son talbis ne tient sur rien, que parmi justement ces mushrikin, certains adoraient également les awliya et les salihin comme lui. الوجه الثاني لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينه وبينهم لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا. Donc après on dit, Tayyib, admettons que ces mouchlikines n'adoraient que les asnam, les idoles. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait aucune différence entre lui et eux, car ce que vous adorez, que ce soit asnam, que ce soit awliya, que ce soit salihin, rezalika, ne vous sert à rien et ne vous apportera rien. Donc ça vient au même. بعد هذا قال المصنف رحمه الله تعالى واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وألا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب. En revenant à la parole de l'auteur, pour le citer justement, que ces gens-là adoraient, n'adoraient pas que les asnam. Tu cites tes paroles d'Allah dans le sens où il dit, le jour où nous les rassemblerons tous et nous dirons aux anges, est-ce que ce sont ceux-là qui vous adoraient? Tamam? Ils diront, gloire à toi, c'est toi notre allié en dehors d'eux. Mais plutôt, ils adoraient les djinns, et la plupart d'entre eux croient en eux. Et la parole d'Allah dans le sens où il dit, ô Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de me prendre moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Il dira, subhanak, gloire à toi. Il ne me revient pas de dire ce qui n'est pas véridique. Toi, je ne leur ai dit que ce que tu m'as enseigné. Et tu sais ce qui est en moi, et je ne sais pas ce qui est en toi. Et tu es certes le grand savant de l'invisible. Donc tous les versets te démontrent que ces gens-là adoraient la même chose que vous. Et avaient le même but que vous, le même objectif que vous. وبعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع والضار والمدبر ولا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وإقرا عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc dis-lui, est-ce que tu as su que Allah a rendu mécréants ceux qui ont visé les asnam par l'adoration et qu'il a rendu mécréants également ceux qui ont visé les gens pieux et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, lui, s'il te dit, eux, ces kuffars, voulaient ces asnam, Pas même, il est visé en elle-même pour leur adoration. Alors que nous, ou plutôt que moi, je témoigne que seul Allah apporte un bien ou un mal. Et c'est lui qui contrôle le tout. Moi, je ne veux que de lui. Et que les salihoun, ils ne possèdent rien du tout. Cependant, moi, je les vise en espérant que... Je les vise pour Allah en espérant d'avoir leur intercession. T'as même ? Donc toi, la réponse, c'est quoi que tu lui dis ? Ça, c'est la même parole que les koufars. Exactement, mot pour mot. Et toi, récite les paroles d'Allah dans le sens où il dit que ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, quels qu'ils disent, nous les adorons, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et la parole d'Allah dans le sens où il dit, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc, quelle différence y a-t-il entre toi et eux? Aucune. Yani, je sais que souvent les gens, quand on cite ce genre de shubuhat, de rudud, ils aiment avoir les versets. C'est vrai, pour pouvoir les retenir et pour pouvoir les mémoriser et en faire usage par la suite avec les gens qui viendront avoir les mêmes shubuhat. Donc là, à la base, le livre, il est présent. Ma fille ou lâché. Le livre, il est présent pour ceux qui veulent le trouver. Il est sûrement traduit déjà en français. J'en suis presque sûr. Donc, il regarde les références des versets. Et après, il les apprend par cœur. Mais le meilleur, c'est d'apprendre le Coran déjà à la base. Que ce soit pour cela ou pour autre chose, apprendre le Coran. Ceux qui ont appris le Coran, alhamdoulilah, les versets seront avec lui. Et au pire, il apprend quelques versets. Les versets clés dans ses masa'il. Tamam. Là, je ne le cite pas parce que m'arrêter à chaque fois de dire le verset, la sourate. C'est une tendance sur laquelle j'ai pas été habitué. En général, les versets, on les entend comme ça. Mais man yurid an ya'rif hadhihi al-ayat yarji' ila al-kitab. Il revient au livre, il les trouvera, biznillah ta'ala. Donc le shir est fini là, l'auteur plutôt. Yukmil al-an biqawlihi wa'lam an hadhihi shubuhat al-thalath hiya akbar ma 'indahum. Fa idha 'arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabihi wa fahimtaha famhan jayyida fama ba'daha aysar minha. Donc il dit, sache que ces trois shubuhat qu'on a cités là maintenant là sont les plus grandes qu'ils ont. Et si tu as su que Allah les a clarifiés dans son livre et que tu les as bien compris, alors ce qu'il y en a par la suite sera beaucoup plus facile. Tant même. Ma hiya di shubuhat thalatha, c'est quoi les trois? Al-oula, qawluhum innana la na'bud al-asnam innama na'bud al-awliya. Première shubuhat qui disent, nous on n'adore pas les idoles. On adore que les awliya. On n'adore pas les asnam, on adore les awliya. Hadi wahida. Thaniya, qawluhum إننا ما قصدناهم إنما قصدنا الله في العبادة. Ils disent que nous on ne vise pas ces asnam, ou plutôt ces awliya. Nous c'est Allah qu'on veut. Ça même par l'adoration. والثالثة قولهم إننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضرونا. فإن النفع والضر بيد الله ولكن يقربنا إلى الله زلفى. فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك. La troisième, c'est qu'ils disent que nous avons adoré, non pas pour qu'ils nous apportent un bien ou un mal, car tout cela n'est que dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, cependant, mais pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, nous visons pas là leur intercession par cela. Donc nous ne faisons pas de shirk à Allah subhanahu wa ta'ala, car pour le shirk, comme on l'a expliqué, c'est dans le Rububiyya seulement. Donc là, c'est les trois premières chubuhat de ce livre, et qui sont les principales, comme l'auteur l'a dit, quand même, que différencient entre les asnam et les awliya, qu'ils disent qu'ils s'en servent d'eux quand même, qu'ils les visent, non pas pour eux-mêmes, mais pour Allah, et troisième, que leur but dans cela, c'est qu'ils obtiennent la shafa'a. Naam. طيب فبهذا كنا نكتفي ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك